Amour de Dieu, amour, c'est si merveilleux, oh, quel amour. Amour de Dieu, amour de Dieu, amour, c'est merveilleux, amour de Dieu, amour, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, amour, et c'est merveilleux, oh, quel amour, comment il est, c'est haut, on peut se monter, il est, c'est bas, qu'on peut l'enverser, il est c'est large, qu'on peut contourner, ah, quel amour, comment il est c'est haut, qu'on peut se monter, il est c'est bas, qu'on peut l'enverser, il est c'est large, qu'on peut contourner, ah, quel amour. Bolingo yo, bolingo naye, exhalé l'écama, bolingo naye, exhalé l'écama, bolingo naye, exhalé l'écama. Yango ele kilola na lola moto akama te mozindo mingi eko sila te monene mingi moto alekate aloboni boni boni yango ele kilola la moto akamate mozindo mingi eko sila te monene mingi moto alekate ayobali amour de Dieu amour de amour et amour de Dieu, c'est merveilleux. Amour de Dieu, amour, c'est merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si beau, qu'on peut s'y monter, il est si beau. Dieu merveilleux et tout puissant. Zambe yabika mumpe yanguya nyoso. Toi l'amour parfait. Yo bolini ko bonga pe. L'amour éternel. Bolingo ya seko. L'amour rédempteur. Bolingo ya lisiko. Qui sauve et pardonne. Wezel ko bikse pe kolimbi. Qui délivre et protège. Qui secourt et répond. Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Gloire et louange à ton saint nom. Cet amour si merveilleux que tu nous as témoigné, nous des pécheurs indignes, mais sauvés par ta grâce à cause de cet amour souverain, nous t'offrons cette soirée le moment de réunion ici, le moment de prédication que ce Saint-Amain préside, que ce Saint-Amain bénisse, que ce Saint-Amain nous garde, qu'elle s'agisse encore au milieu de nous. parachevant l'œuvre que tu as commencé, perfectionnant ton travail au sein de chacun, purifiant le cœur et les esprits, guérissant le corps et les caractères, donnant ensuite du vie à nos attentes humaines. Tu es la main surnaturelle dont nous avons tellement besoin pour en passer ou faire quelque chose. Quand tu l'as dit, et c'est la vérité, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es l'être indispensable. Père céleste, étendez ta main sur nous et bénis-nous en profondeur. Au nom de Jésus-Christ, parle à chaque cœur des affaires du royaume, des choses de Dieu. Que chacun soit édifié là-bas, averti, éclairé, encouragé à te servir, à marcher dans la reconnaissance envers le sauveur de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ici, dans la Sainte Bible. Apocalypse chapitre 20. Le verset 4. Et puis nous sauterons pour lire ensuite le verset 6. Et puis nous reprendrons le à partir du verset 12. Verset 11 jusqu'au verset 15. Voilà. Apocalypse 20, verset 4, verset 6, et puis verset 11 à 15. Et moni seli mukapo ya tumi balé, mulongo ya minei, ya motoba, ya zomi na makokino na zomi na mitano. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Peba oyo bavandi na yango mpe nguya na kosambisa epesami na bango. Namoni mpe milimu na bango basilinde kokata makingo mpona litatoli na Yesu mpe mpona liloba na Nzambe. Ba oyo baboyaki kosambela nyama na ekeko na ye mpe kokamataka elembo na yango na bilongi na bango mpe na maboko na bango. Bazalaki na bomoi mpe bazalaki bakonzi mbula nkoto esika moko na Kristo. Mulogo ya motoba. Ba oyo babimi na lisekwa na liboso bazali na esengo mpe bazali basantu. Kufa na mibale ezali na nguya na likolo na bango te. Kasi bakozala banganga na Nzambe mpe na Kristo, bakozala bakonzi esika moko na ye mbula nkoto. Molongo wa 11 kino na 15. Na mwanaki kiti na bokonzi pembe monene na movandi na yango mokili Nadi kolo ikimaki elongi na ye mpe ezwamite. Na mwona ki pe bakufi, minene na mike, batelemaki na liboso na kat, na kiti na bokonzi. Pe buku efungola maki mpe babuku mususu efungola mi. Oyo buku na mbo moi. Bakufi basambi sami na makambo masali okomama na buku yango. Na motindo na misala na bango, mai munene ezongisi bakufi na kati na yango. Kufa na eyoelo ezongisaki bakufi kati na yango. Basambi sami moto na motindo na mosala na ye. Moto na motindo na mosala na ye. Na sima, kufa na eyoelo bwakami kati na libeka na moto. Libeka na moto oyo ezalinde kufa na mibali. Soko uzuami ete moto akomami na buko na bomoite akobwakama na libeke na moto. Matthieu chapitre 10 verset 28. Matayi mukapu ya zomi mulonga tukumbale na mambi. Ne craignez pas ce que tue le corps et que ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Bobanga bangote ba oyo bayebi koboma nzoto nde bayebi koboma molimo te. Bobanga nde ye oyo azali na nguya ya kobebisa na molimo mpe na nzoto kati na gena. Matthieu chapitre 25. Matayi mukapo ya tukumbale na mitano. Nous voyons encore ce que Dieu dit lors d'un jugement exceptionnel ici. Matthieu chapitre 25. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bongo akoloba na bango na loboko na mwasi ete. Bolongwa na ngai, bino bolakelami mabe, kino na moto na seko, mobongisami mpona satana mpe banje na ye. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bango bakolongwa kino etumbu na seko nde bayenge beni kino bomoi na seko. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue à l'écoute de l'évangile. Bienvenue à l'écoute de la parole éternelle de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est la chose principale pour laquelle nous sommes rassemblés ici. C'est pour écouter la parole. Elle représente la bonne part que nous ne peut nous ravir. Personne ne peut nous confisquer. C'est cette bonne part que Marie, la sœur de Marthe, avait découvert en son temps et pour laquelle elle s'était assise au pied du Seigneur pour nourrir son âme de précieuses choses. Voyez comme c'est écrit dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. C'est ce que nous voulons faire maintenant chacun. Nous asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Oyo avandaki epai na makolo na nkolo koyokaka maloba na ye. Assise au pied du Seigneur. Avandaki nde na makolo na nkolo. Et quand vient le moment de prière, tango alors ce sont les paroles du cantique qui disent à la croix au pied du maître, à genoux je fais mon choix. Tango ya mabonde li ezalinde maloba na loyango to yemba kete na ikulusu na matambe na ye esika oyo nga na ponaki. C'est dans l'humilité, avec modestie, dans l'esprit d'adoration que nous nous tenons au pied du maître Jésus-Christ. Na makolo na nkolo penza biso to miche wana. Celle-ci s'est assise au pied du Seigneur. Mwana mwasho wana avant de kinde na makolo na nkolo. J'espère que toi aussi là où tu es assis, c'est au pied du Seigneur. Il dit qu'il y a un Jessica Oyo Vandakiwana ou Vandiwana Ezalinde. Et que tu as la représentation du Seigneur devant ta foi. Aux yeux de ta foi, tu as la représentation du Seigneur. Tu ne vois pas ton voisin, mais celui ou celui qui est assis derrière ou devant, à gauche ou à droite, ni l'homme qui se tient à la chair, ni le traducteur, ni ceux qui enregistrent, mais tu es au pied du Seigneur. Venu pour lui. Car ton âme ne saurait être indifférente à son égard. Ton âme exprime sa reconnaissance pour le bienfait dont il t'a rendu bénéficiaire. Qu'il t'a donné en partage. Alors tu tiens ton âme devant le Seigneur à ses pieds. Et quand il parle, que sa parole te pénètre. En profondeur, parce que sa parole, elle est une épée vivante. Tranchante. Et pénétrante. Efficace. La parole du Seigneur. Alors Marie était assise au pied du Seigneur. Non pas juste pour se distraire, pour se griller, mais elle écoutait la parole du Seigneur. Elle écoutait sa parole. La parole du Seigneur. C'est comme quand le Seigneur lui-même a quitté la terre. Et qu'il est retourné au ciel, il est écrit dans Marc 16, verset 20, et les disciples que lui avait mandaté, qu'il avait commissionné, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, le même ici, le même qui était ici dans son corps physique sur terre, dans la maison de Saint-Marc. Mais après sa montée au ciel, il est dit, le Seigneur travaillait avec les disciples. Exactement le même Seigneur qui avait été autrefois dans la maison de Marc. Mais qui se trouve présentement parmi ses disciples. Le même Seigneur. Il travaillait avec eux. Et le même Seigneur. Il confirmait sa parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. Le même Seigneur. Qui avait quitté la terre, qui est retourné au Père. Le même Seigneur s'est retrouvé travaillant avec ses disciples. Pas quelqu'un d'autre ni son délégué, mais le même Seigneur qui était chez Marie. Le même Seigneur devant lequel Marie était assise. Le même Seigneur au pied duquel Marie était assise. Le même Seigneur travaillait avec ses disciples. Et il ne s'arrêtait pas là, mais il confirmait sa parole. La même parole que Marie avait entendue. La même parole du Seigneur Jésus-Christ. La même parole demeurait encore. Elle était encore présente dans ses disciples. Parmi les siens. Et Dieu l'a confirmé. Jusqu'à présent, il a essayé. La même parole, le même Seigneur est parmi ses fidèles. Il travaille avec ses disciples jusqu'à ce soir, jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à maintenant. Y en a-t-il qui y croient? Vous allez là-bas, le même Seigneur qui avait été autrefois sur terre. Le même Seigneur qui avait été une fois chez Marc. Le même Seigneur qui a travaillé avec ses disciples. Le même Seigneur qui est Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Seigneur est parmi nous encore. Il donne encore sa parole. Et des gens peuvent s'asseoir à ses pieds. Ils peuvent à nouveau écouter sa parole. Et parce qu'il ne change pas, il va confirmer sa parole. Ça, nous devons le croire. Par les miracles qui accompagneront sa parole. Y en a-t-il pour croire ça? Parce qu'il semble un peu absent. La race de ceux qui croient ça. Jésus-Christ est le même. Et qu'il est présent parmi ceux qui vivent. Et qu'ici aussi se tiennent ses disciples. Et parce qu'il n'est pas injuste. Il ne fait pas exception des gens. Dieu est le même et sa parole est la même. Il travaillera avec nous. Il confirmera sa parole. Par les miracles qui accompagneront sa parole. Vous ne regardez pas l'homme. La chair humaine qui ne sert à rien. Vous ne regardez pas les voisins ou la narine. Mais vous regardez au Seigneur lui-même. Qui mourut pour vous et pour qui vous êtes venu. Si telle est votre position, vous rentrerez avec la confirmation de la parole. Vous ne rentrerez pas à vide. L'homme ne peut pas aller se tenir dans la présence de Dieu et rentrer par elle. Au grand jamais. Chaque fois que vous entrez dans sa place, quelque chose change en vous. Un plus vous est offert. Un ajout viendra. Peut-être quelque chose d'invisible, d'imperceptible. Mais le Seigneur fait cela et des fois c'est plus tard que vous découvrirez cela. Alors, Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole comme toi maintenant. Alors, Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir, hein? Dieu lui donc de m'aider. Hein? Écoutez, la parole là, être là seulement à dire Amen et tout ça, Alléluia. Mais il y a du travail à la maison. Hein. Il y a du travail à la maison. Être sœur, c'est pas seulement ça. Dieu va venir s'asseoir là-bas comme une paresseuse pour commencer à dire Alléluia et comme une exalté. Mais dites-lui de venir m'aider. J'ai beaucoup à faire ici. Et pourtant, elle était assise au pied du Seigneur et elle écoutait la parole. Le Seigneur lui répondit. Il n'a pas parlé à Marie à cause de Marthe. Alors, mais il a répondu à celle qui a posé un problème. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une multitude de choses. Tout ce qui est en dehors de la parole, c'est une multitude de choses. Qui suscite les inquiétudes, des soucis, des tralala, des angoisses et même des maladies dans le corps. Les choses qui ne sont pas la parole provoquent des agitations. Et ce sont des agitations inutiles. À cause de la vanité des pensées humaines. Et la vanité des œuvres humaines. À cause de ça. Souvent nous oublions que nous ne sommes rien. Et nous nous soumettons à n'importe quoi. Tel courant de pensée vient, on se laisse emporter. Tel courant de pensée vient, on se laisse influencer. Tel idée vient, on ne censure rien, on se met à s'influencer. Ce qui ne devait pas être le cas. La parole est notre stabilité. C'est l'essentiel dont nos âmes ont réellement besoin. La parole du Seigneur. Même le centenaire romain connaissait la valeur, il a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Mais toi, depuis que tu as assis là, tu as entendu combien de paroles. Yo, et tu veux me dire que ça ne fera rien? Ça ne fera aucun changement? Aucun renouveau au-dedans de toi? Alors là, tu ne connais pas bien la parole. La parole ne fait qu'une chose. Produire des transformations. Elle opère des miracles psychiques. Sachez que c'est la vérité. Elle arrête les agitations. Même l'agitation de la mer, il a fallu un mot de la bouche du Seigneur. Les disciples qui sont montés en mer là-bas, ils ont fait face à cette grande vague. Abraham dit que tous les démons sous-marins s'étaient donné rendez-vous ce jour-là. Les esprits sous-marins. Ils se sont réveillés sous l'eau, ils sont venus pour agiter la barque qui transportait les disciples. Ils ont secoué vraiment le sous-marin. Et de l'agitation des démons, la barque aujourd'hui s'est mise à s'agiter. Pourquoi la barque s'agitait? Parce qu'elle n'avait pas la parole. Pourquoi les démons se sont agités? Parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Mais Jésus dormait. Donc, il était comme déconnecté de tout ce qui se passait. Et les esprits sous-marins ont dit, voilà. Nous allons le couler lui-même. Nous sommes sûrs qu'il est dedans. En noyant ses disciples, nous l'aurons accouché. Jésus le dort. Ils se sont achetés. Ils ont travaillé. Ils ont essayé de chasser l'eau. Ils ont essayé de vider l'eau. Plus ils travaillaient, plus ils fournissaient le fort, plus l'eau montait toujours dans la barque. La vanité des pensées humaines. La vanité des œuvres humaines. Sans lui Christ, vous ne pouvez rien faire. Il doit intervenir. La parole doit intervenir. Et là, le changement est immédiat. Injusquita. Après qu'ils soient essoufflés, épuisés, ils ont reconnu leurs limites. Qu'ils n'en pouvaient plus. Mais ils ont dit, mais pourquoi tout se fait? Nous avons quelqu'un à bord ici. Il est parmi nous ici. Même si nos yeux ne semblent plus le voir. Même si nos bras musclés ne semblent plus le voir. Mais il est là. Dans son calme là, il est là. Mais qui vient, il est là. Dans cette apparence de fête, il est présent. Dans cette impression de chaos, il est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Je le vois sur nous aussi, c'est un jour. Maintenant aussi, c'est un jour. Il est là. Même quand les cieux ne le voient pas. Son silence ne veut pas dire son absence. Son silence ne veut pas dire son absence. Il est à son poste, lui, de foi. Parce que sa parole lui a obligé ça. Il est obligé de tenir sa parole. Alors, ils sont convenus. Arrêtez, nous périssons. Nous il se lève. Alléluia. Amen. Amen. Il a juste dit silence. Alléluia, mon père. Signe. Le silence est ordonné et pour les disciples qui comptaient sur leurs biceps, sur leur force, leur gymnastique, les exercices répétés. J'entendais signe en moi parce que qui. Et à la tape on a baillé que le cotala va kalachi sa mabango cotala ma kati. Ouais, bah ça qui n'a pas de comme ça, il s'est fait. Ouais, bah on que les temps nous. Il a dit, silence, la pignon. Les disciples tous. Calme. Baillé que les bambons nous sont niais. Pour les esprits sont marrés. Calme. Mais les bambons sont la maille. Et la Bible dit, il y a un grand calme. Père de Dieu, le bête. Pignon, mon poil, mon nez de sotaki. Ceux qui pleurnichaient. Ils n'ont pas compris comment tout s'est arrêté. Parce que sa parole a dit, silence. Ceux qui crient au secours, ils savent plus à quel sens se vouer. Pleurnichant et se lamentant. Quand il a dit, silence, il y a eu un grand calme. Partout. Pourquoi ça? Tout lui est soumis. Tout ce qui existe a été fait par sa parole. Il n'y a pas de créature qui puisse faire tête à la parole. Même Satan, Ce qui nous a commis sur nous, comme on a yango, nous le bandeau s'en est élevé. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Ton corps, toi aussi, doit reconnaître d'où était-il venu. Et les maladies de ton corps doivent reconnaître les corps dans lesquels elles sont venues entrer là. Qui a bien façonné ce corps? Tout ce qui existe est fait par sa parole. Rien de ce qu'il y a n'a été fait sans elle. Et quand elle s'exprime la parole, tout ce qui existe est touché dans son esprit profond, dans son fort intérieur. Même les démons tremblent. Alors quand nous écoutons la parole, nous sommes les bienheureux. Amen. Dieu nous a donné la plus précieuse de ce qu'il y a. Il n'y a pas mieux que la parole ici. Entendez et reconnaissez cela. Arrêtez d'errer dans vos pensées. Arrêtez de compter sur vos efforts. Tout ce que vous faites sans Christ ne vaut rien. N'aboutira à rien. C'est un grand fiasco. Mettez Christ en tout. Voilà, il est celui qui nous délivre de la colère à venir. Jésus-Christ est son nom. Et Jésus-Christ est sa nom. Amen. Nous l'aimons. Prenez conscience. Ne sous-estimez pas ce que Dieu vous offre par la parole. Là. Les divers miracles et tout, c'est contenu dedans. Les miracles viendront pour accompagner la parole. Pour donner suite à la parole. La manière de faire de notre Seigneur, c'est cela. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part? S'asseoir au pied du Seigneur, écouter sa parole. C'est la bonne part que Marie a eu à choisir. Que je te conseille toi aussi de choisir. Toi, Église de Dieu, choisis cela. S'asseoir à ses pieds. Écoutez cela. Et après avoir écouté sa parole, à la croix au pied du maître, à genoux j'ai fait mon choix. Son disciple je veux être. Plus près de lui par la foi. Nafuka mine kulusu. Namakolo yankolo. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est l'objet d'adoration. Amen. Il est l'objet d'adoration. Amen. Il mérite d'être servi par nous. Amen. Comprenez ça. Amen. Nous lui défendons notre reconnaissance Amen. Pour les bienfaits multiples et divers qu'il fait accomplir. Écoutez un peu ces paroles du prophète William Branham. Prêché le 26 novembre 1959. 26 novembre. Dans la prédication intitulée Les Jéhovah des miracles. Les Jéhovah des miracles. Paragraphe 45 et 46. Il dit ceci, moi, un pauvre pécheur. Perdu, qui titubé dans les rues, presque aveugle. Maintenant, il m'a donné de bons yeux. Amen. Moi, Branham, un pauvre pécheur perdu, qui titubé dans les rues, presque aveugle, mais maintenant, il m'a donné de bons yeux. Il m'a donné une bonne santé. Il m'a donné le salut. Toutes les bénédictions de Dieu. Il m'a donné des familles quand mes propres parents m'avaient rejeté. Disant que j'étais devenu fou. Mon église m'a foutu à la porte. En disant qu'il a perdu la tête. Mais lui a dit, si on vous abandonne, je vous donnerai des pères, des mères et des amis. Qu'est-ce qu'il a mis là? Restez en parole. Pour te soutenir dans les moments d'abandon. Pour te protéger au moment du rejet. Tu deviendras sans valeur pour ton entourage. Souviens-toi qu'il a dit ça. C'est sa parole qui t'a dit. Que cela touche ton essence intérieure. Ta profonde existence. Sache que c'est la parole qui t'a fait. Et c'est elle encore qui t'accompagne. Alléluia. Oh Dieu. Dieu l'a fait à maintes et maintes reprises à travers le monde. Donc, il n'y a pas que parler à Branham. C'est dont il témoigne ici. C'est une petite bonne expérience. Dieu a eu à le faire à maintes et maintes reprises à travers le monde. C'est vrai, bien fait. Bien vrai, il faut le vivre aussi. Je pense que lorsque le prophète a dit à David, fais tout ce qui est pur dans le cœur, car Dieu est avec toi. Et cette nuit-là, le Seigneur a parlé au prophète disant, va dire à mon serviteur David que je l'ai pris à ce pâturage et je lui ai donné un nom comme celui des grands de ce monde. Comme celui des grands. Quand je pense à cela, comment Dieu m'a tiré de force du péché. Dans ma boule à l'issoum. Mais Dieu m'a retiré de la mort, Branham. De force du péché. Et il m'a donné des amis à travers le monde. Quand je pense à cela, mon cœur frémit à ses pensées en rapport avec son glorieux nom. Que le nom du Seigneur soit béni. De quel Seigneur Branham parle-t-il ici? Le même Seigneur qui avait été autrefois dans la maison de Marc. C'est le même Seigneur qui a été enlevé au ciel. Et c'est le même Seigneur qui, après avoir été élevé à la gloire, travaillait avec ses disciples qui prêchaient partout. Et c'est le même Seigneur qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est de ce même Seigneur qui est prêt à parler ici. Et il dit que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Moi je pense qu'il mérite cela. La seule chose est que je regrette. C'est de ne pas avoir plus de vie à consacrer à son service. Je n'ai qu'une seule vie terrestre. J'aurais aimé en avoir plusieurs pour que je revienne autant de fois, mais que je puisse offrir chacune de ces vies à son service. Vu ce qu'il a fait pour moi. Et vous dites qu'on perd quelque chose? Oh, il n'y a rien à perdre. On a tout à gagner. On a tout à gagner, mes amis. Et si j'avais 10 millions de vies, et si je pouvais choisir entre retourner à l'âge de 16 ans, et être roi du monde pendant 10 000 ans. Donc, et que ça soit l'offre. On te présente. Reviens à l'âge de 16 ans. Et deviens le roi du monde entier. Pour régner sur le monde pendant 10 000 ans. Première proposition. À côté de ça. À l'opposé de cela, mourir tout de suite et aller au ciel avec Jésus-Christ. Si c'était ça l'offre qu'on te fait, quel serait ton choix? Revenir à l'âge de 16 ans C'est devenu roi du monde entier. Et régner sur le monde pendant 10 000 ans. Là, tu as les pouvoirs, tu as les finances, tu as les richesses, tu as les gens à ta solde. Des gardes des corps, des chars, des combats, des bataillons et des armées bien rangées. La discipline militaire, tous à ton service quand tu passes. Salut au drapeau, salut au chef, honneur au roi. Mais quand la reine Elisabeth est décédée là, et que venait le moment où on devait l'enterrer, tous les symboles du pouvoir qui étaient autour du cercueil, l'évêque là de l'église anglicane qui était là, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'on enlève tous les signes du pouvoir pour que notre sœur soit enterrée comme une simple chrétienne. On a enlevé le bâton royal. On a enlevé la couronne de la reine. On a enlevé. Et dès ce moment-là, on ne l'appelait plus reine Elisabeth. Mais sœur Elisabeth. Sur cette terre, nous n'avons rien apporté. Et la Bible a raison de dire qu'au moment du départ, nous n'apporterons rien. Tout ce que tu peux recevoir, tu l'as eu ici, tu l'as trouvé. C'est que tu as quelqu'un d'autre en a eu avant toi. Et après ta mort, quelqu'un d'autre aura ce que tu as. Mais où finira ton âme? Après cette vie. Qui va te sauver? Entre revenir à l'âge de 16 ans, être plébiscité ou établi roi du monde entier avec 10 millions de filles en espérance et régner sur le monde pendant 10 000 ans, ou bien à l'opposé de ça, que tu meurs tout de suite pour aller au ciel avec Jésus-Christ. C'est toi qui vas-tu choisir? Pensez-y. Nous qui aimons tellement la gloire du monde. Le succès terrestre. La bonne réussite dans les affaires. L'explosion financière. Le pouvoir terrestre se multiplier par 5 000. Le capital devenir grandiose. Et tout. Qui va-t-il choisir? Mais écoutez le choix de Branham. Je dirais, laisse-moi partir maintenant même. J'aimerais partir juste pour être avec lui. Amen. Amen. On te rajeunit 16 ans vraiment. Et tu seras reconnu roi du monde entier. Tout le monde va te respecter tes frères. Les gens vont chercher tes numéros de contact. Tu deviendras plus important. Branham dit, je préfère mourir tout de suite. Amen. Pour aller être avec Jésus au ciel. Et d'accepter cette offre du monde. Ici. Pourquoi? En effet. Maintenant, j'ai la vie éternelle. La vie éternelle par rapport à 10 millions de vies. Tu connais que le nombre est compté. 10 millions. Et tu connais que chacune de ces vies a un commencement. C'est 10 millions. Et chacune de ces vies aura une fin. Et tout ça se divise ensemble. Même si c'est 10 millions, elles prendront aussi fin. Mais moi, Jésus m'a donné déjà la vie éternelle. C'est-à-dire la vie sans fin. On me propose d'aller être avec Jésus. Et on me propose 10 millions de vies pour régner pendant 10 000 ans. Qu'est-ce qui est meilleur? La vie éternelle qui m'a déjà donné. Alors il dit, quand les 10 000 ans se seraient écoulés, j'irai en enfer. Donc si je ne maintiens pas à la vie éternelle que je suis dans, et que je me laisse séduire et flatter par les 10 000 ans de règne, et les 10 millions de vies commencent à souffrir, à la fin de tout cela, je demeurerai un perdu qui finira en enfer. Par contre, maintenant quand les 10 000 ans se seront écoulés, au côté de Jésus. Je n'aurai pas moins de temps que lorsque je suis entré là. Le temps aura fusionné dans l'éternité. Et le temps sera sans fin. Imaginez ça. Quand vous vous penchez du côté de la vie éternelle et de Jésus-Christ son donateur. Amen. Oh là là. Il est réel. Vous allez dans seul. Ce Seigneur dont nous parlons, il est réel. Qui a créé les fleurs? Qui leur a donné de la couleur? Le même homme qui a donné de la couleur à la fleur a placé le Saint-Esprit dans mon cœur. Gloire à Dieu. Il est ici certainement. Ne vous inquiétez pas. Dieu signifie l'adoration. Non, il corrige la pensée. Dieu est un objet d'adoration. Et j'aime l'adorer. Il est mon tout en tout. Il est ma paix. Il est mon père. Il est ma mère. Il est tout ce que j'ai déjà eu. Il est tout ce que j'ai déjà eu. Il est tout ce que je serai. Tout est en lui. Voilà. Et bon, simplement les mains et louons-le. Il est notre meilleure part. Il est notre meilleure portion. Tu ne finiras jamais. Tu ne s'épuiseras jamais. Tu ne s'épaneras jamais. Elle est là pour l'éternité. Louange à son nom. Bénis son nom éternellement. Le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand nous entendons des bonnes choses comme ça. Alléluia. De quoi méditons-nous ce soir? Il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Nous parlons de ça ce soir. Quand on entend des bonnes choses comme ça, quelle est notre pensée de méditation? Oh, il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à sauter. Il faut sauter en haut. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. On va se dire l'un à l'autre ici. Nous sommes chez maturité. Moi je te dis à toi frère. Il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Amen. Chacun travaille pour finir là où il veut. Amen. Pour gagner le ciel, chacun doit travailler. Amen. Pour gagner l'enfer aussi, chacun doit travailler. Dans les mensonges, les calomnies, les coups, les adultères, les vols, les mensonges. Chacun travaille pour mériter son sort. Matthieu chapitre 5. Que nous dit la parole ici? Matthieu au chapitre 5. Verset 27. À 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça vous avez appris, vous le savez. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. En commettant l'adultère, vous travaillez. Vous occupez vraiment votre temps. Vous l'occupez à quoi? À convoiter une femme. Et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Dans cette grande flamme de feu. Dans cet étang de feu presque. La gêne. Voyez. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Ikole kamala muna yo ete moko na bilembo na yo ibunga nde nzoto mobimba na yo ebwa kama na gye na te ta main droite loboko na yo mobali tout membre de ton corps qui t'amène à pécher à tomber ete na manyo sectionnel na yo ouais s'il vous plaît ete et quoi il fallait plus ça moko ta sa mbali susute verset 21 à 22 vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point. Celui que tu auras est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, raca, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, fou, qui l'a ou, du boma, mérite d'être puni par le feu de la gêne. Bosili koyoka lokola bato na kala balobaki ete boma moto te mpe ete ye oyo akoboma moto akozala na likambo epai na esambelo ngai nde nakoloba na bino ete ye oyo akosilika na ndeko na ye akozala na likambo na esambelo ye oyo akoloba na ndeko na ye ete yo nzoba akozala na likambo na koyangana na mikolo ye oyo akoloba na yo ete ebebe to ozali penza kilao. Et quoi qui était à Kendena Kena na moto. Voyez-vous le conducteur qui noie? Ils insultent par les gestes. Quand vous voyez quelqu'un vous faire ça, ça veut dire quoi? Il a où? Ozali penza. Moutou et sona. Moutou penza et beba. Ozali boma. Ozali boma penza. Donc tous ces gens-là qui font ça, ce sont les candidats de la GN. Bazali ba oyo li fele ko ya babango. Même si tu ne réagis pas. Même si tu ne leur réponds pas. La Bible décrit déjà leur sort. Il dit à ton frère, tu fais ça. Au fingé le bon moment. Candidat de la GN. Et c'est tout le travail. Hein? On abîme le visage pour ça. Dites le Joséraï. Tu occupes les ministres pour faire ça. Tu te donnes toute une occupation pour faire ça. La fin, finalité, c'est la fin. Combien ne devons-nous pas avoir la crainte de Dieu? Dieu nous dit dans Matthieu 10 ici que nous avons lu. Au verset 28. Comme ceci important. Ne craignez pas ce qui tue le corps et que ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chaîne. Celui-là existe et c'est le même Seigneur dont nous parlons. C'est le même Seigneur qui a ces pouvoirs là. Dans Jacques chapitre 4, au verset 12, verset 11 et 12, il disait, ne parlez point mal les uns des autres frères. C'est même interdit. Mais toi, quand tu commences à parler mal, tu te donnes vraiment de l'occupation. C'est toute une œuvre, tout un travail pour lequel tu prends vraiment du temps. Le temps que Dieu t'a donné pour les servir et adorer, tu le consommes inutilement. Inutilement pour l'enfer alors. Inutilement pour l'enfer. Tu le consommes à parler du mal des frères. C'est un travail. Tu mérites une récompense. Ne parlez pas mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Bandeko, botonga na kate, yola kotonga kande konaye, soki akosambisa kande konaye, azali kotonga mibeko, soko kosambisa mibeko. Soko ozali kosambisa mibeko, ozali motosi na mibeko te kasi mosambisi. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu? Ozali nani? Mopesi na mibeko pe mosambisi, ozali bobele moko. Yewana, ozali na nguya na kobebisa mpe kobikisa. Yonde nani, okosambisa ko mozaleni na yo. Tu le juges d'imbécile. Ozali kosambisa ye. Tu le juges de zomba. Ye te azali zomba. Tu le qualifies de fou. Omoni ya okomi liboma. Liboma, bilao. A sonne. Voyez tout ça. Omoni nyoso. Qui est-il pour qualifier? Yo, ozali nani pole bana muninga bongo. C'est Dieu le juge. Va mende mosambisi. Mettez des freins à votre langue. Contrôle chacun, contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche. Sache coudre ta langue là. Pour ne parler que des choses importantes. Et des choses qui sont obligatoires d'être dites. Et des choses qui sont formes à la parole du Seigneur. Tu le sais bien. Dans Matthieu chapitre 5. Dieu dit ceci au verset 36. Non, Matthieu 12 plutôt. Matthieu 12, verset 36. Le Seigneur dit encore ceci. Comme nous devons veiller à ça. Je vous l'ai dit. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proféré. Et verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Maloba na yo moko. Ekokata ntina na yo. Ekokata suka na yo. Bilobela, koloba loba. Yo mama e waso. Kaka koloba na koloba. Muno kolokola ngando fungo ma mulai. Koloba na koloba. Matoi milai kuyoka na porte kwa. Contrôlez vos sens. Contrôlez votre bouche. Dites les choses utiles selon la parole. Mais toute parole vaine que tu auras, fais traverser. Libérez les tabous. Tu auras un jugement pour ça. Pensez-y. Il y a un ciel à gagner. Il y a une affaire à sauter. Où veux-tu aller? Parce qu'il y a une catégorie de gens qui iront à la vie éternelle. Et il y a une catégorie de gens qui iront au châtiment éternel. Nous l'avons lu ici dans Matthieu 25, on peut y revenir. Nous essayons de parcourir la pensée. Voyez, le Seigneur a dit ceci. Il y avait un jugement, le grand roi s'est tenu, il a séparé les brebis d'avec les boucs, il a placé les brebis à sa droite, il a placé les boucs à sa gauche. C'est toutes les nations qui étaient assemblées devant lui. Les alina kosambi sama munene nkolo yemoko mukonzi munena kozala azaliwana akaboli bampate na bamtaba bampate ache bango na loboko na ye ya mwasi pe bameme na loboko na ye mobali. Matthieu 25 verset 31 et 32. Matthieu tumbele na mitu. Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et quoi, mon anamoto, nan kembo na ye, pe banje na ye nyonso, et si kamo kon na ye, a kovanda na kiti na bokonze na ye, na kembo. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. A quoi, yanga ni sa mabote nyonso li boso na ye, mpe, a kokabola kakati na bangolo kola, et kokabola kamo bateli, na bampate mpe, bantaba. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà la répartition que le grand roi fera. Entre les hommes et les femmes de toutes les nations de la terre. Il ne répondra plus un devant lui. Il va se partager. Les brebis à sa droite. Et le bouc, les têtus à sa gauche. Les obéissants à sa droite. Les rebelles à sa gauche. Les orgueilleux à sa gauche. Et les humbles à sa droite. Les violents à sa gauche. Et les doux à sa droite. Donc tous les humains, le Seigneur, le même Seigneur que nous parlons ce soir, fera cette séparation-là. Vous n'échapperez pas. Aucune nation n'échappera. Mais par la suite du jugement, nous trouvons maintenant au verset 41. Qu'ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Donc, les orgueilleux, les violents, les méchants, les rancuniers, les désobéissants, les têtus face à la parole, têtus face à l'évangile, têtus qui rejettent le message de Dieu. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, vous les maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bongo akoloba na bango na loboko na mwasi eti bolongwa na ngai bino bolakela mi mabe kino moto na seko mobongisa mi mpona satana na bange na ye. Voyez, Momoni? La tétutesse, la rébellion, la désobéissance et les actes consécutifs à tout cela. Vous avez posé les actes de rébellion, de tétutesse, de désobéissance face à la parole du Seigneur. Tout cela parce que vous n'avez pas cru la parole, vous l'avez minimisé, vous avez été orgueilleux devant le Seigneur. Au lieu de vous humilier, vous vous êtes enorgueillis. Le Seigneur dit, vous êtes les maudits. Et votre sort est écrit là-bas. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Finissez là-bas. Allez-vous là-bas. Pas de remède. Hein? Et le Seigneur dit ici, là au verset 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Ceux qui sont à sa gauche. Les boucs, les têtus, les rancuniers, les irrégénérés, les inconvertis, les formalistes d'église. Tout cela ira au châtiment éternel. Mais les justes, ceux qui ont vécu par la foi, dans l'évangile de Dieu, dans la parole de vérité, qui ont pratiqué, obéi à cela, les justes iront à la vie éternelle. Vous pouvez les savoir à l'avance. Si on t'amenait là ce soir, quel sera ton sort devant ce grand jugement? Quel sera ton sort? Miséricorde. Ici, Frère Branham nous dit quelque chose. Dans le sermon, l'état présent de mon ministre. Il dit ceci. Prêché le 8 septembre 1962. Paragraphe 29. Mais maintenant, si jamais ce petit poisson pouvait monter ici et être avec moi, est-ce qu'il voudrait être de nouveau ce petit poisson au fond de cette obscurité lumineuse? Parce que la vie du poisson est inférieure à la vie d'un être humain. Mais si Dieu accordait au poisson l'occasion de devenir humain, de monter au niveau de vie humaine, va-t-il encore vouloir retourner à la vie des poissons dans l'eau, plus bas que l'humain? Toi aussi, tu es un pécheur. Par sa naissance, tu n'y pouvais rien. Tu es le coupable devant Dieu. Par sa mauvaise nature. Mais Dieu, en t'envoyant le message, l'évangile, il te donne l'occasion de mener une vie supérieure. Pourquoi voudrais-tu rentrer vers le bas? Vers le comportement du passé que tu es censé avoir abandonné, avoir quitté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons monter plus haut. Nous devons aspirer plus haut que ça. Dieu nous a déjà tiré de là. Le passé du péché. De la boue de la haute. Alors aspirons le plateau du ciel. Je veux atteindre les sommets. Je ne veux plus rentrer plus bas. Il y a quelqu'un qui a fini de l'aspirer. Tu veux monter toujours plus haut. Faites comme ce petit poisson. Si cette occasion est donnée et que j'ai monté des grades, des gradins d'escalier, je ne voudrais plus retomber en bas. Mais je dois plutôt ajouter des niveaux pour atteindre les sommets. Oh, il ne voudrait plus du tout être un poisson. Parce qu'il serait quelque chose de supérieur à un poisson. Et il serait un homme. Et ses sens seraient plus développés. Et son entendement plus grand. Son intelligence plus grande. Si vous multipliez cela par 10 millions, alors vous obtenez ce que c'est lorsque vous passez de ceci à la présence de Dieu là-bas. Là où l'être humain est tellement plus avancé que nous nous laissons ici. Vous ne voudriez plus jamais être un être humain. Comme ceci. Dans cette léproserie des maladies et des corrections. Dieu t'amène même dans l'au-delà. Il faut goûter ton corps céleste. Alléluia. Je t'assure que tu ne voudras pas retourner. Amen. Amen. Dans la léproserie des maladies. Oui. Même à ta bande de Balili. Zonga, Tosana Posana yo. Ce qu'il y a là, c'est vraiment de la mienne. Oui. Il est rentré ici dans la malaria. Pour les moustiques ont piqué toute la nuit. Je me suis réveillé avec des boutons à la tête et des maux de tête inexpliqués dès le matin. Parce que les moustiques ont piqué partout sur les veines. Après avoir été dans le corps, si je voudrais aller au ciel, être avec Dieu, c'est de loin mieux. Mais même nous sommes accoutumés ici, nous pensons que c'est tout ce qu'il y a de mieux. Alors, Jésus est allé pour le gérer ici. On a eu 10 sur 10. Tu es tout content. Tu penses que c'est la meilleure vie que tu dois mener. Mais là-bas, il n'y a pas d'examen à passer. Tu as le bonheur éternel. Il n'y a pas un enseignant méchant de mathématiques avec les intégrales. Des formules au tournure compliqué. À bombarder 5 questions, banner et télémi. Et tu es sûr derrière quand tu sors de la salle, comme on m'a bougisé là. Et après, Baninga Balobi, maître, qu'on a chauffé moi. Il nous a chauffé comme pas possible. À tout mis. Et alors maintenant après on commence à dire nous chacun pour soi. Bon, Zambé Kakaeto, veuillez éviter. Et tu penses que tu vas avoir combien de fois? Oh, ne me posez pas cette question. Et c'est le Kinamo. On a tout à l'heure. Au ciel, il n'y a pas d'examen d'état. Et c'est la loi là, comme on a beaucoup la question. Au ciel, il n'y a pas de bac à passer. Et c'est un abat, il n'y a pas d'examen de permis de conduire. Il n'y a pas d'examen de permis de conduire. Et c'est un copain sur le temps pour on ne dépense pas les points là-bas. Et c'est un bon moment là. On a commis une faute, on enlève encore des points. Comme ça, les cas en Europe. Parce que quelqu'un va d'abord frauder pour avoir un permis de conduire. À ce jour, il y a Kop, il y a Mouyibi. Et après, la fin de Nango, il est aussi la caca. Mais là-bas, c'est côté. On a fait les fautes, caméra et Kangi. On a fait les fautes, Balongo les points. À un moment, permis de conduire, hein, vide. Tu n'as plus de points. Tu ne peux plus tenir le volant. On a fait aussi les sociétés Moutouka. Oh non, mais j'ai appris, j'ai les diplômes. Oui, garde ton diplôme pour ta maison. Mais tu ne peux pas tenir le volant sur les routes d'Europe là-bas. Parce que tous les points sont partis. Au ciel, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est le système de ce monde ici. Bien aimé, si Dieu vous fait goûter ce corps-là, vous verrez que ceci que nous vivons ici, c'est la puanteur. C'est de la boue. Et maintenant, quand quelqu'un meurt, il quitte cette boue, nous qui pensons que c'est ce qu'il y a de mieux, nous commençons à vous voyez ce que nous faisons? Nous pensons qu'il a quitté la vie, vraiment la vie, a commis Katalivoa, a commis Bembe, sans un corps sans vie. Or, il est entré dans un monde meilleur. Amen. Et toi, tu ne le sais pas. Yo, yabina yoto moni muto kufi. Yo wana milelo moninete zokande atiki poto poto nzoto ya pamba pamboyo akoti na bisika ya makambo kitoko koleka. Il est mieux là-bas qu'ici. Azali kitoko kuna koleka. Nous devrions glorifier et adorer Dieu. Et c'est vrai que ton sens le paix et tout. D'avoir intégré une âme dans son royaume. Et tu peux t'accrocher sur la moko kitoko koleka. Mais comme c'est si dur, hein. Donc les aramu kwa. Même quand on les prêche, même pendant le deuil, ah, ezokota nango mais makasi mingite. Émotion ezaka makasi. Wana ah, sans effort, ma mis sur Banigo Bimalaka. Vraiment, il me manque, hein. Zangia. J'ai encore besoin de lui. J'ai besoin d'elle là. Nazara Posana Naye. Ça, c'est ce corps ici. Zotoyo. Un corps trompeur. Zoto Posana. Pécivant. Oui, que ça va sonner. Il n'est pas du tout crédible. Il ne sert à rien, ce corps. Il n'est là qu'à nous troubler, à nous mourir. Des amen. Il y a un autre spécial. Il a meilleur. Loin de là. Il sait que je te dis la vérité. La chair ne sert à rien. Le Seigneur l'a dit. Attends, pas que l'on m'a foutu. Oui, Wouti France, Paris. Oh, ils ont vraiment, il y a Sorbonne. Université, la grande université là-bas, Harvard, il y a Monde Moutou et Bimisi Yango. Bah, chercher, il y a Kuna Basavande, bah, Bimisi Yango. Malachi, Yokantunga. Solo Nango, na marché qui t'a fait faire à côté, mon côté. Vanité de vanité. Pamba na pamba nyoswa. Ce corps est mortel, il pourrira dans la tombe. Zoto le kokufa. Kolomo kokopola nango na elite. Disons amen à la vérité. Kolomo tesa le bobele bongo na sala. Moi je n'aime pas que vous deveniez suspect comme ça. Bino na lingite bo bana otala. Bango ya vérité yo fani gagner. Vous direz ne c'est concerné yote. Ne de lo bali o kima. O totale kamote yango akosuka wapi. Ye mo wa, ye mo malu be kosila ye. Non frère. Cette vie ici n'est pas la meilleure. Amen. Il y a un ciel à gagner et nous devons le vouloir. Amen. C'est vrai. Il dit ceci. Dans la Genèse 1, verset 17. C'est ce qui était dans mon cœur. Et j'ai essayé ces 30 années de prêcher l'évangile autour du monde. Pour dire aux gens, pas la parole dans le bateau. Écoutez ceci. Pendant 30 années, autour du monde, il a essayé de prêcher cet évangile. Pour dire aux gens quoi? Qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Cette phrase, Frère Branham ne l'a pas répété plusieurs fois dans son sermon. Mais l'unique fois où il le dit ici, il montre que c'est ce qu'il a essayé de faire 30 ans durant, c'est son message en filigrane, en sourdine, qu'il véhicule partout. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Vous ne trouvez pas ça dans plusieurs citations, vous le trouvez une fois dans sa prédication, mais ceci, c'est ce qui se cache derrière les centaines et les centaines de sermons qu'il a prêchés à travers le monde. Talent maloba oyo ndeko brana mazali kolobete ezali na lola oyo esengeli te ozwa na lifelo esengeli okima okomona yango kati na mateya na ye nyonso te kasi ezali nde oyo liloba oyo nde onswane ezali kobele mpona koyebisa bato ete lola esengeli ozwa na lifelo okima. C'est comme une vérité placée entre les lignes. Que vous ne lisez pas littéralement chaque fois. Mais que vous devez, ou dont vous devez prendre conscience qu'elle est toujours là. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Depuis que moi j'ai commencé à prêcher. Hein? Au mois de mars 1994. Jusqu'à ce jour, commencer à prêcher cet évangile. Je n'ai jamais intitulé une seule de mes prédications comme ça. Mais pourtant, je crois fermement qu'il y a un ciel à gagner et qu'il y a un enfer à éviter. Un enfer à sauter. Je ne dis pas que je n'ai jamais prononcé cette phrase. Mais je vous dis que je n'ai jamais intitulé une seule de mes prédications comme je l'ai fait. Ça fait combien d'années que nous prêchons ce message? De 94 à maintenant, 6 ans plus 22 ans. Ça nous fait 28 ans. Durant que nous prêchons ce message connaissant cette vérité. Donc, quels que soient les sermons que vous pouvez entendre, même si je ne les dis pas, sachez que nous y croyons fermement. Il existe un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Si tu aimes ton âme, combat pour vaincre. Amen. J'ai essayé ces 30 années de prêcher l'évangile autour du monde pour dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et qu'il y a un Dieu qui vous aime. Et une puissance rédemptrice qui attend là, prête à vous prendre à l'instant où vous êtes prêt à la recevoir. Une puissance rédemptrice. Notre message déclare ça. Cette puissance rédemptrice, il y en a de disponibles. Dès que vous êtes prêt à recevoir Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, cette puissance va vous prendre. Et il est prêt à s'occuper de votre âme. Est-ce que tu peux prendre conscience? Dieu détient cette puissance rédemptrice, car nul de nous ne peut se sauver soi-même. Chacun de nous a besoin d'un sauveur et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde entier, de tous ceux qui croient en lui. Quand tu es disposé à le recevoir, il existe une puissance rédemptrice. Tu peux offrir ton âme à ce Dieu. Seigneur, je viens d'entendre que cette puissance existe toujours. Mais moi, je semble fournir pas mal d'efforts. C'est comme si je dois me délivrer moi-même. Où est cette puissance-là? Je veux l'expérimenter. Je veux la palper. Je veux la recevoir. Je voudrais aussi en témoigner. Notre salut est un miracle. Dieu nous tire des fosses du péché, nous tire de la boue de la honte, et nous fait asseoir parmi les rachetés, et nous donne une place parmi les saints. Un changement de vie. Cela vient de Dieu qui nous aime. Bien-aimé, ne continuez pas à garder l'allure du péché. Nous. Mais nous pouvons. Je vois dans les sermons la voie à laquelle Dieu a pourvu. Nazal kota na litaya mosakoli. Nzela onzambe. Prêché le 13 juin 1953. Paragraphe 23. L'électronique, c'est le paragraphe 9. Oui, la chose suivante, vous fréquentez une église. Vous entendez des cantiques être chantés. L'évangile être prêché. Quelque chose. Et le Saint-Esprit se met à vous parler. Viens, répands-toi. Viens, répands-toi. Et vous dites, oh, je suis jeune, j'ai encore beaucoup de temps, j'ai ceci, je dois faire ceci, j'ai encore beaucoup de temps. Voyez, vous rejetez la voie à laquelle Dieu a pourvu, et vous vous jugez. Comment pouvez-vous alors condamner Dieu? Vous ne le pouvez pas. Vous devez vous condamner vous-même. Non, vous devez vous condamner vous-même. Ça ne sert à rien du tout à quelqu'un d'aller en enfer pendant que Dieu a pourvu à une ici. L'inspiricité, la convoitise, les mensonges, les calomnies, les inimitiés, la haine, les rancunes, l'impénitence, l'hypocrisie, la mondanité, les maquillages. Toutes ces choses. Pourquoi, chers amis, ça ne sert absolument à rien que quelqu'un aille en enfer. Ça ne sert vraiment à rien. Dieu qui est amour a tout disposé. La puissance rédemptrice, la grâce salutaire, le pardon de vos péchés, il a tout disposé, la joie du salut, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, la guérison divine, la bonne santé. Il a dit que le croyant est plus que vainqueur. Dieu a pris les meilleures dispositions. Alors s'il vous plaît, ça ne sert absolument à rien que quelqu'un ne. Ça ne sert à rien du tout à quelqu'un d'aller en affaire pendant que Dieu a pourvu à une ici. Il doit les choisir. Un moyen d'échapper à la fête. Dieu a disposé ça. Pourquoi veux-tu aller à la prière? Pourquoi veux-tu travailler pour la mort? Vous ne pouvez rien au fait d'être un pécheur. Vous ne pouvez rien. Vous êtes né un pécheur. Vous n'avez pas choisi de naître. C'est un sort que vous subissez. Il est dans les cours de chair. Mais vous pouvez contribuer au fait de rester un pécheur. Vous n'avez jamais choisi de naître un pécheur sur terre. Mais une fois né pécheur comme cela, vous avez le pouvoir, la possibilité de contribuer au fait de demeurer pécheur. Vous allez dans ma coquille, y'a qu'on s'allaite, ou tika la bobele n'engo botama ki moussoumou. Car si vous acceptez Jésus comme à votre place, il a été fait péché pour vous. Sorti de l'ici de Dieu. Ce qui n'est pas qui conduit ma Yesu Christ à combattre les sous mais si canaillot n'est là où Zambé a singulé lui au na pour être aussi comme un camouflé. Vous n'avez pas alors à rester un pécheur. Na bongo le corps n'est pas celui personne mais lui au bout. Vous l'acceptez honnêtement, sincèrement, décidément, résolument. Vous n'avez plus à rester un pécheur. Non, parce que la vie c'est mon guide. Vous deviendrez un chrétien et vous deviendrez saint. Non pas de votre propre sainteté, mais de sa sainteté. Il vous revêtira de sa sainte robe. Il agréera votre foi tout simplement. Quand la puissance rédemptrice est disponible pour vous, quand vous êtes prêt à le recevoir. Êtes-vous là? Vous allez voir. pas ce que vous êtes, mais ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, et vos propres voix, vous pouvez cesser de mentir. Ça, c'est vous qui pouvez faire ça. Vous pouvez cesser de voler. Vous pouvez cesser de fumer. Et cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Aucun de nous ne peut se sauver lui-même. Vous avez besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus-Christ le sauveur. Il doit avoir travaillé dans votre vie. Lui qui opère des miracles, choses. Voyez frère, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Vous avez arrêté de mentir, vous avez cessé de fumer et de boire et de voler et tout ça. Absolument pas. Vous êtes sauvé parce que Dieu a ordonné que vous soyez sauvé. Et il a appelé votre cœur. C'est pourquoi vous êtes sauvé. Parce que celui qui sauve a donné l'ordre que vous soyez sauvé. C'est ça, mon frère. Nul ne peut venir au Père. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu a frayé une ici, une voix maintenant. Moko akoki koye panangaite soki tata akobena ye na noti na bongo nzambe asilinde kufungula kanzela sa saipi ya kulekelela ya insela gani lola o esengeli na yoko zo ezali vous trouvez qu'il y a pas quelque chose de faire c'est de croire seulement boko mona te loko pozo lola yango boko ne kosala zali pe boko avoir une foi correcte une foi biblique une foi authentique kozala na padima o ele ngobani oyo wu non pas la foi mentale ou la foi prétentieuse, la foi imaginaire, mais la foi qui vient vraiment de Dieu, alimentée par votre contact nourri avec lui. Votre âme est en contact avec le Dieu surnaturel. Lui qui suscite la foi doit la susciter en vous. L'entretenir et la faire croire. Nous avons entendu hier, il n'y a rien de plus à faire que d'accepter ce qu'il a dit. Acceptez simplement. Croyez ça. Demeurez dans la présence de Dieu. Réclamez que cette présence impacte votre âme. Que sa présence qui est dit impacte votre âme. Que sa touche surnaturelle touche votre cœur. Que lui voigne ce qu'il y a en vous. Pour que cela produise au multiple. Et la semence de la parole que vous lisez, la parole que vous entendez, la même parole du Seigneur, la meilleure part que vous avez, pour le mari d'autrefois, cette semence reproduira selon l'Esprit de Dieu. Elle reproduira la vie de Dieu en vous. Elle reproduira Christ en vous. Et vous serez pareil à lui, semblable à Christ, un chrétien. Pas par vos efforts, mais par l'amour de Dieu qui a touché votre cœur. Que Dieu bénisse cette parole en nous. Tenons-nous debout pour la prière. Au nom de mon âme. Au nom de mon âme. Assez à tes pieds, mon repos. parfum d'esprit et non de mana. Prions chacun. Tout bon de là, moko na moko. Psalm numéro 169, merveilleux. Mon cœur chante aujourd'hui de joie, d'allégresse. Jésus sauve, satisfait, bannit ma tristesse. Plus de condamnation, je la paix à moi. Jésus est merveilleux, puissant pour délivrer. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Dieu esclave, maintenant libre de toute condamnation. Jésus donne liberté et un plein salut. Les péchés du passé me sont pardonnés. Et mon nom est écrit dans le livre du ciel. Lui, il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Oui, il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux, c'est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Oui, il me sauve, il me garde du péché des hantes. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Avec mon Seigneur vivant dans la sainte union, jour après jour je vis dans la douce communion. Sa grâce m'a changé dans ma basse condition. Depuis que mon âme reçut plein salut, il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oui, conseiller du puissant, prince de la paix. Lui, il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oui, conseiller du puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller du puissant, prince de la paix. Oui, il me sauve, il me garde du péché de honte. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous disons gloire à ton Saint-Nom. Saint-Nom nous a gardés et nous garde encore. C'est grâce à tes bontés que chacun de nous respire encore. C'est grâce à ton soutien que nous jouissons de la bonne santé. C'est grâce à ta protection que même la maladie est devenue faible. Et nous continuons à subsister. Nous vivons sur la terre des humains par ton soutien infaillible. Gloire à toi pour l'éternité. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Tu es le Seigneur, le Dieu des dieux. Tu as écouté chacun prier. Après que tu nous aies parlé, il y a un ciel à gagner, mais il y a un enfer à éviter. Décourage chacun de ceux qui sont tentés par l'incrédulité, la mondanité et le péché, qui sont attirés vers les souillures. Je retire l'instant de force du péché, de son mot de l'incrédulité, pour se tenir vivant parmi les rachetés. Que la puissance rédemptrice dont nous avons entendu parler, passe en scène, se déploie vraiment, et retire chaque âme de la défaite, nous tire de l'emprise des démons, de tous les liens d'iniquité, de tous les liens du péché qui soient brisés, Seigneur. Donne-nous la délivrance totale, la sanctification par Christ, la sainteté de Jésus-Christ, qu'elle se déploie sur chacun, et que nous jouissons du salut de Dieu. Exauce nos prières et garde chacun dans les moments de sortie, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, que cette parole soit confirmée par le Saint-Esprit qui veille sur elle. Confirme-la pour chacun de nous, afin qu'il se sente connu de toi, occupé par toi. Détache-nous de tous les intérêts mesquins, toutes les choses inutiles. Et occupe-nous à des choses sérieuses, aux affaires du royaume de Dieu, à écouter la parole et à pratiquer, à vivre de la vie que Dieu attend de nous. Accueille-nous favorablement, Seigneur, et que nos prières parviennent jusqu'à ton compte, pour comprendre que tout le reste est vanité, et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Que nous puissions te recevoir, toi, la vie éternelle, la justice de Dieu, la sainteté parfaite. Gloire et louange à toi dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons à la dernière étape. Par la grâce de Dieu.